Troisième partie, premier chapitre. Le bruit d'une fusillade le tira brusquement de son sommeil. Et, malgré les instances de Rosanette, Frédéric, à toute force, voulut aller voir ce qui se passait. Il descendait les Champs-Élysées, d'où les coups de feu étaient partis. À l'angle de la rue Saint-Honoré, des hommes en blouse le croisèrent en criant « Non, pas par là, au Palais Royal !» Frédéric les suivit. On avait arraché les grilles de l'Assomption. Plus loin, il remarqua trois pavés au milieu de la voie, le commencement d'une barricade sans doute, puis des tessons de bouteilles et des paquets de fil de fer pour embarrasser la cavalerie. Quand tout à coup s'élança d'une ruelle un grand jeune homme pâle, dont les cheveux noirs flottaient sur les épaules, pris dans une espèce de maillot à pois de couleur. Il tenait un long fusil de soldat et courait sur la pointe de ses pantoufles, avait l'air d'un somnambule et leste comme un tigre. On entendait, par intervalle, une détonation. La veille au soir, le spectacle du chariot contenant 5 cadavres, recueillis par messieurs du boulevard des Capucines, avait changé les dispositions du peuple. Et, pendant qu'aux Tuileries, les aides-de-camp se succédaient, et que M. Mollet, en train de faire un cabinet nouveau, ne revenait pas, et que M. Thiers tâchait d'en composer un autre, et que le roi chicanait, hésitait, puis donnait à Bugeaud le commandement général pour l'empêcher de s'en servir, l'insurrection, comme dirigée par un seul bras, s'organisait formidablement. Des hommes, d'une éloquence frénétique, haranguaient la foule au coin des rues. D'autres, dans les églises, sonnaient le tocsin à pleine volée. On coulait du plomb, on roulait des cartouches. Les arbres des boulevards, les vespasiennes, les bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé. Paris, le matin, était couvert de barricades. La résistance ne dura pas. Partout, la garde nationale s'interposait. Si bien qu'à 8 heures, le peuple, de bon gré ou de force, possédait 5 casernes, presque toutes les mairies, les points stratégiques les plus sûrs. D'elle-même, sans secousse, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide, et on attaquait maintenant le pôle du château d'eau pour délivrer 50 prisonniers qui n'y étaient pas.